aucune mesure. Attends mon synthé. Il y a une espèce de reverb qui a pas. Thank you. Hey. Thank you.